comme le soleil qui revient sur la montagne. Tu sais que toujours je reviendrai vers toi. Je ne peux me passer de ces longs Alors laisse-moi t'aimer et serre-moi fort tout contre toi. Je me suis toujours reproché de ne pas avoir tout dit. Ne sois pas fâché, je n'ai pas voulu te tromper. Je n'ai rien choisi, c'est le destin qui est à blâmer. Alors laisse-moi t'aimer et surtout il faut me pardonner et tout d'un amour et non d'un ami. Ne sois pas fâché, je n'ai pas voulu te tromper. Je n'ai rien choisi, c'est le destin. Alors laisse-moi t'aimer et surtout ne dis rien. Il faut me pardonner et tout recommencer. Il faut me pardonner.